Yesterday, I spoke about punya. Do people remember what punya is? It's punya means purification, and punya kriya vatu are purifying deeds, which are the cause for happiness. And I spoke also about how the practice of satipatthana leads to a reliable, guaranteed type of happiness. And before one attains that guaranteed happiness, it brings special happiness along the way while we are practicing it. And how many kinds of purifying deeds are there? Does anybody remember? Three groups. And the first one is dana. And that is basically giving what one has, dana. And the second is sila, and the third is bhavana, right? Hier, je vous ai parlé de punya, des actes qui mènent à la pureté. Je vous ai également parlé de satipatthana, la pratique qui permet d'atteindre la véritable joie, le véritable bonheur. Tout au long de notre cheminement satipatthana, nous allons expérimenter ce véritable bonheur dans une mesure de plus en plus grande. Il y a trois pratiques de punya. Tout d'abord, dana punya, ensuite sila punya et bhavana punya. Pour ce qui est de dana, la générosité, cette générosité ne consiste pas uniquement à faire don de biens matériels. Il faut également faire don du service, de sa disponibilité. Il faut également partager ses mérites avec tous les êtres. Le fait d'enseigner fait également partie de dana, la générosité. Donc, pratiquer dana se fait de toutes ces façons. Lorsqu'on pratique le don, la générosité, elle doit être associée à metta, à karuna et à mudita, l'amour bienveillant, la compassion et la joie sympathique. Si notre générosité, notre dana s'accompagne de ces états positifs, il n'y aura aucune avidité et aucune colère dans notre esprit au moment où faisons notre don. L'esprit sera très pur. On voit donc que si dana, la générosité, s'accompagne de metta, de karuna et de mudita, il devient plus facile de pratiquer sila, la moralité. Lorsque dana, la générosité, se fait avec un esprit très pur, dans une intention très pure, elle va amener le confort matériel. Nous serons comblés matériellement. Nous aurons des vêtements, nous aurons de la nourriture, nous aurons des abris, etc. Grâce à ce confort matériel qu'amène donc dana, lorsqu'elle est pratiquée de façon très pure, nous nous sentirons à l'aise dans la société. Nous n'aurons pas de complexe d'infériorité. Nous deviendrons également capables de partager puisque nous avons des biens et nous aurons également plus de temps puisque nous ne serons plus obligés de consacrer tout notre temps au travail pour gagner notre vie. Dana, la générosité, va nous aider tout au long de notre cheminement, elle va nous soutenir dans notre pratique, mais elle ne permet pas d'atteindre libération. Nous avons donc vu que la pratique de dana, la générosité, va nous permettre de pratiquer plus facilement les préceptes moraux. Dana, la générosité, même si c'est quelque chose de relativement modeste, ouvre la porte à sila. Ainsi, dana est très importante. Quelqu'un qui fait des dons sera moins enclin à tuer, à voler, à mal se conduire, tout simplement parce qu'il aura introduit en lui iri et otapa. Iri, c'est voir les actions négatives comme dégoûtantes. C'est la honte de mal se conduire. Otapa, c'est la crainte de mal se conduire à cause des conséquences que cette mauvaise conduite pourrait amener. Elle est comparée à un fer rouge qu'on n'oserait pas prendre en main de peur de se brûler. on ne s'approche pas des actions négatives. La première façon de respecter les préceptes moraux, c'est donc d'avoir en soi iri et otapa. On va ainsi éviter de mal se conduire. Une deuxième façon d'éviter de mal se conduire, c'est de comprendre ce que les autres ressentent lorsqu'ils sont agressés. On devient capable de se mettre à la place des autres et de comprendre que les autres non plus n'aimeraient pas qu'on leur fasse ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse à nous. Éviter ainsi de mal se conduire, c'est punya sila. Et cette moralité ne concerne pas que les bouddhistes, elle concerne tout le monde, quelle que soit sa religion. C'est une moralité de base qui est universelle. Sila, la moralité, va amener un sentiment de complétude. La pratique de sila, la moralité, va amener bhava sampatti. Bhava sampatti, cela veut dire que la personne va se sentir en sécurité dans la vie. Elle se sent en sécurité parce que le fait de respecter les préceptes moraux va avoir pour conséquence qu'elle ne sera pas blâmée, et surtout par les sages. Elle va donc éviter la critique, le reproche. Cette personne qui respecte les préceptes moraux évitera également d'être poursuivie en justice. Elle va échapper à la vengeance de ceux qu'elle aura offensés. Et enfin, la pratique de la moralité va permettre à la personne de garder des intentions très pures dans l'esprit. Si elle ne respecte pas les préceptes moraux, les intentions qui sont présentes dans son esprit sont basses et vulgaires, et ceci aura pour conséquence qu'elle mènera une vie médiocre, non seulement cette vie-ci, mais dans le futur également. C'est de cette façon que par la pratique de la moralité ici-là, on se libère du danger dans cette vie même. Un autre aspect de bhava-sampatti, c'est que par la pratique de sila, la personne va s'assurer une certaine qualité de vie dans le futur. Dans le futur, grâce à cette pratique de sila, elle va s'associer à des personnes de haut niveau, et ceci va avoir pour conséquence que son sila va encore se développer. On dit également que sila est la cause pour une renaissance dans le plan humain ou dans le plan des devas. La personne qui pratique la moralité ne reprend pas naissance dans le monde animal, par exemple. J'ai dit hier que sila, la moralité, amène également l'absence de crainte. Les êtres ont tous peur d'être agressés. Ils ont peur d'être tués, d'être volés, que leur famille soit démolie. Ils ont peur du mensonge, surtout si ce mensonge aura pour conséquence qu'ils vont perdre leur réputation. Ils ont également peur de la violence des personnes qui sont sous l'effet de la drogue. Tout le monde a peur de ces choses. Si donc on prend l'engagement de respecter les préceptes moraux et de pratiquer sila, que ce soit par honte, par crainte ou pour une autre raison, la conséquence sera que nous ferons don aux autres de l'absence de crainte. En pali, on appelle cela abhaya dana, le don d'absence de crainte. Si tout le monde était capable de faire ce don, le don d'absence de crainte, la société serait très paisible. Mais hélas, les gens ne comprennent pas qu'il s'agit là de quelque chose qui amène la paix, et en conséquence, le monde est détruit. La pratique de dana, la générosité, et de sila, la moralité, va nous permettre de vivre heureux dans la vie. Ces pratiques amènent un bonheur basique. Mais est-ce assez? La pratique de dana va avoir pour conséquence karmique que nous aurons le bien-être matériel. La pratique de sila va amener comme conséquence que nous reprendrons naissance dans le plan humain. En pratiquant dana et sila, nous nous assurons donc une vie agréable dans cette vie même et dans le futur, une renaissance dans le plan humain et donc une vie future agréable également. Mais est-ce suffisant? Dans le monde des affaires, il faut faire du profit. Il ne faut pas se contenter de rester toujours au même niveau. Si on ne fait pas de profit, on ne pourra pas accumuler des réserves. Et si un jour nous avons des difficultés, nous devons aider notre famille par exemple, nous n'aurons pas suffisamment de réserves pour pouvoir le faire. Il faut donc faire du profit dans le monde des affaires. La pratique de la générosité et de la moralité d'Anna et Sila, c'est très bien parce qu'elle va nous permettre de vivre heureux. Mais est-ce vraiment suffisant? Il faut se rendre compte que dans la vie, il est toujours possible de tomber malade. Il est possible de devoir se séparer de situations ou de personnes que l'on aime. Il y a toutes sortes de problèmes qui peuvent surgir, que ce soit au niveau de la société, au niveau personnel, etc. Il faut donc plus que Sila et Dana. Dana et Sila vont donc nous amener à bonheur de base. C'est le fondement, ce sont les fondations. Mais il ne faut pas en rester là. On compare ceci à un immeuble qu'on construirait. On commence par les fondations. Mais les fondations, ce n'est pas suffisant. Il faut ensuite passer au mur, au toit, etc. Si on veut donc vivre vraiment heureux, il ne faudra pas se contenter de Dana et de Sila, il faudra également développer la connaissance. Les yogis pratiquent la méditation Satipatthana. S'ils pratiquent correctement en suivant les instructions, ils observent les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, ils observent les douleurs lorsqu'elles se manifestent, ils observent les pensées lorsqu'elles se manifestent dans l'esprit, ils font tout cela de façon respectueuse et avec précision. S'ils pratiquent ainsi, ils vont expérimenter un bonheur tout particulier. Leur esprit sera devenu très pur. Voyez par vous-même. Si vous êtes attentif sans interruption aux objets qui se manifestent à chaque instant, vous pourrez voir que votre esprit est devenu très calme. Il n'y a pas d'agitation dans l'esprit. Il ne vagabonde pas. Vous allez également développer l'énergie. Et enfin, vous allez réussir tôt ou tard à comprendre le Dhamma. Vous allez commencer par faire la différence entre les phénomènes physiques et les phénomènes mentaux. Et vous allez progressivement développer toutes les connaissances vipassana. Ceci va vous permettre d'expérimenter progressivement le bonheur qui s'enracine dans la méditation. Ce bonheur, c'est un bonheur particulier, ce n'est pas un bonheur qui est comparable au bonheur qu'on expérimente par les contacts sensoriels. Le bonheur du Dhamma est un bonheur supérieur. Plus on pratique, plus ce bonheur se manifeste. Et le méditant commence à comprendre que cette pratique lui permet d'obtenir quelque chose qui a beaucoup de valeur. Ceci, c'est donc Bhavana Punya. Cette Bhavana Punya, cette méditation, va donc être pratiquée pour obtenir la pureté de l'esprit et petit à petit se libérer des tendances au désir avide, à la colère et à l'ignorance. Nous allons expérimenter cette liberté par rapport à ces choses de façon progressive. Nous allons comprendre de mieux en mieux et nous allons expérimenter de plus en plus de pureté dans l'esprit jusqu'au jour où notre esprit sera devenu totalement pur. Si on poursuit la pratique, on atteindra certainement la destination finale. Je voudrais vous parler maintenant de la façon dont le Bouddha décrit ce travail. Le Bouddha a parlé de trois entraînements. L'entraînement à la moralité, Sila, l'entraînement à la concentration, Samadhi, et l'entraînement à la sagesse, Panya. Le Bouddha a constaté qu'il était très important de devenir véritablement humain, d'avoir un esprit pur, pour être civilisé et enfin de comprendre la réalité. Ces trois entraînements, sila, samadhi et panya, correspondent à ces trois choses. Lorsque le Bouddha enseignait, il ne le faisait pas dans le but d'avoir l'estime des gens, de recevoir des cadeaux, d'avoir une certaine réputation. S'il enseignait, c'était uniquement pour permettre aux gens de comprendre comment on devient véritablement humain, comment on éduque son esprit pour devenir civilisé et comment il faut faire pour acquérir cette connaissance spéciale. Le Bouddha a commencé par expliquer pourquoi se méconduire mène à des conséquences négatives et pourquoi les actions positives doivent être développées pour que des résultats positifs puissent se manifester. Il a commencé par parler de sila. Il a commencé par expliquer les conséquences d'une conduite négative. Personne ne souhaite être agressé, personne ne souhaite être volé, tué, etc. Ce sont des choses qui amènent le malheur, il faut s'en abstenir. C'est l'aspect négatif des préceptes. Par contre, si on s'abstient de mal se conduire, on va pouvoir développer des qualités positives et les conséquences seront positives. Le Bouddha a fait une analogie avec la nourriture. Il est facile de comprendre qu'il y a des aliments qui sont bons pour la santé, il y a des aliments qui ne sont pas bons pour la santé, et parfois même des poisons. Et donc c'est facile de comprendre qu'il faut essayer de se nourrir correctement et d'éviter les aliments qui ne sont pas bons pour la santé. Ici, c'est la même chose. Si on fait des actes négatifs, c'est comme si on mangeait des aliments qui ne sont pas bons pour la santé. C'est facile de comprendre que ce type de comportement est nuisible. Il est également facile de comprendre qu'en évitant les actions négatives, on pourra se maintenir en bonne santé. Lorsqu'on pratique la moralité, on ne le fait pas uniquement pour soi, mais on le fait aussi pour les autres. C'est en pratiquant la moralité qu'on ne deviendra de véritables êtres humains. Sans sila, il est impossible d'atteindre la concentration. Il faut donc que nous nous engagions à respecter au moins 5 préceptes. Si on en respecte 8 ou plus, c'est encore mieux. Il faut du courage pour respecter les préceptes moraux. Parce que lorsqu'on les aura transgressés, il faudra l'admettre et ensuite se corriger. Mais c'est très important. Je voudrais que les yogis ici respectent les préceptes moraux le plus possible. Ils doivent comprendre que cela va leur permettre de développer la concentration et la sagesse. So I should say one last thing, which is that I hope by listening to this Dhamma talk about dana and sila and applying sila during this retreat and applying the practice that the yogis will gain the happiness that they desire, gain purity of mind, and gain a lasting happiness through the practice. Sadhu, sadhu, sadhu. Je voudrais terminer en souhaitant à tous les yogis de bien comprendre en quoi consiste sila, en bien comprendre en quoi consiste samadhi, puissent-ils par leur pratique atteindre la paix. So that's all for today. So I should say one last thing, which is that I hope by listening to this Dhamma talk about dana and sila and applying sila during this retreat and applying the practice that the yogis will gain the happiness that they desire, gain purity of mind, and gain a lasting happiness through the practice. Sadhu, sadhu, sadhu.